Bonne soirée les Normands et les Picards. Il est exactement 18h à Étrépagny. Tout de suite, un nouveau point info national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Après plusieurs jours de blocage et d'action à travers la France, les participants au mouvement des Gilets jaunes ont rendez-vous ce week-end pour tenter de marquer les esprits et relancer une mobilisation qui montre des signes d'essoufflement. Mais les contours de cet acte 2, toujours organisé hors de tout cadre politique et syndical, restent flous. Près de 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain à Paris pour sécuriser notamment l'Élysée, la Concorde, les ministères, l'Assemblée et le Sénat. En effet, les porte-paroles du mouvement se sont montrées en désaccord avec le lieu du Champ de Mars annoncé hier par le ministère de l'Intérieur. La manifestation des Gilets jaunes n'empêchera pas l'importante manifestation féministe contre les violences sexistes et sexuelles qui se prépare depuis des mois à Paris et dans plusieurs villes sous l'impulsion du collectif Nous Toutes. La manifestation représente pas moins de 95 comités locaux et 60 associations. Initialement prévue à la place de la Madeleine, cette marche partira finalement de la place de l'Opéra à 14h. Une cinquantaine de rassemblements sont également prévus partout en France. Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour une agression sexuelle sur une collégienne de 14 ans en 2013. Le tribunal a également condamné l'artiste à une amende de 20 000 euros. Lors de l'audience à début novembre, le procureur avait requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis. L'artiste qui était présent à l'énoncé du jugement a toujours nié toute agression sexuelle. Une deuxième vidéo de Nordal Lelandais commettant des attouchements sexuels sur une petite fille a été exploitée par les gendarmes. Il s'agit cette fois de sa fille âgée de 5 ans au moment des faits. Cette vidéo datant de l'été 2017, tournée au domicile d'un cousin de Nordal Lelandais, a été retrouvée sur son téléphone portable. Elle est connue par les gendarmes depuis déjà plusieurs semaines. Nordal Lelandais sera entendu au sujet de cette seconde vidéo le 7 décembre par des juges d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Enfin, le joueur croate Borna Koric a remporté son match face au Français Jérémy Chardy en 3-7, 6-2, 7-5, 6-4. La finale mal engagée pour les Bleus se poursuit dans la foulée avec le simple de Joe Wilfried Tsonga contre Marin Cilic. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h, 19h. Et c'est reparti pour une deuxième heure avec un Loud Luxury Body et tout de suite Silk City avec Electricity. L'after school d'espace. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. I'll give you a

passe avec Ludo. L'After School. L'After School. L'After School. Take a picture of all my flaws, or you could take a video on your phone. And I know that I would talk, but I'm too afraid to pick you up and go on. I'm feeling dazed like a magazine, finding my insanity, wishing it'll all go away. Now I'm smoking out the balcony, telling me profanities, maybe it was never okay. 3, 4, 5's Wednesday. You told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and you told me not again. Now I gotta tell her that I love her, not for friends. 3, 4, 5's Wednesday. You told me I'm a narcissist, doing it again. Took a bunch of acid and you told me not again. Now I gotta tell her that I love her, not for friends. Ce week-end, par exemple, quelques marchés de Noël. Aller faire un tour à la salle des fêtes du Fidler, mais également à Saint-Aquilin de Passy et à Tony, tout près des Anlis. Avant 18h30, dans la catégorie des Classic Dance, on écoutera ça. Les Classic Dance. Et ils seront enchaînés avec celui-ci. Le son Funky Mix. Funky Mix. Bon week-end les Normands et les Picards. 18h20, Dorian, la sélection Espace. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, c'est vendredi le 23 novembre et on est reparti pour la dernière sélection Espace de la semaine avec ce soir à Rouen dès 18h à la librairie L'Armitière, la rencontre avec Bernard Werber. Ensuite, rendez-vous devant le portail des libraires, ça se passe à 18h30 pour Si les objets pouvaient parler, visite à la bougie, c'est à ne surtout pas louper. À 19h au théâtre de l'Écho du Robec, le spectacle Sinon j'oublie. Du côté du théâtre des Arts à 20h, vous avez rendez-vous avec la boîte à Joujou au théâtre à l'Ouest. Ce sera Vanessa Caillot et son spectacle Feignasse Hyperactive. Ensuite, du côté du Kind Arena Rouen, Vichy Clermont. Ensuite, on se dirige au théâtre de l'Amandra, toujours à 20h pour Delayla Mann. Rouen, Grenoble, à la patinoire Boissière. Et enfin, pour finir, du côté du théâtre à l'Ouest, toujours à 21h45, c'est Alban Ivanov. Ensuite, au Zénith de Rouen, évidemment, demain, à ne pas louper le one-man show d'Olivier Debenois. Du côté d'Honfleur, le festival du cinéma russe, c'est jusqu'à dimanche. Et puis demain débutera la foire Sainte-Catherine. N'oubliez pas, tout à l'heure, 19h-21h, c'est l'open show sur Espace. À tout à l'heure. Espace Radio.

Dance classique. Funky Mix. Funky Mix. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there. Souvenir, un petit deux barrages en instant sur Espace, 18h31, tout de suite l'info locale et régionale. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Septième jour de mobilisation des Gilets jaunes contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat avant un rassemblement prévu demain à Paris. Nouveau barrage filtrant aujourd'hui au pont de Tancarville et de Bretonne, mais pas au pont de Normandie. Dans la région du Havre, les Gilets jaunes sont toujours présents, Stade Océane et boulevard Jules Durand. Certains se sont positionnés au niveau des accès au centre commercial de la Lézarde à Montivilliers, qui attendait beaucoup de visiteurs aujourd'hui en raison du Black Friday, opération commerciale avec de fortes réductions de prix venues des États-Unis. Les accès au centre Leclerc à Gonfreville-Lorcher ont également été occupés tôt ce matin. matin. Le magasin a dû fermer ses portes. À Tourville-la-Rivière, des gilets jaunes se sont postés sur les ronds-points d'IKEA, de Leroy Merlin et de McDonald's. À l'heure du déjeuner, une cinquantaine de CRS seraient intervenus pour libérer les accès et écarter les gilets jaunes, soit un CRS pour un ratio d'un gilet jaune présent sur place. Une interpellation aurait eu lieu. Du côté de Grand-Quevilly, c'est le terminal pétrolier qui a été impacté. Des gilets jaunes également présents sur l'agglomération de Rouen au rond-point des Vaches, de la Motte et du Zénith de Grand-Quevilly. Dans le Rhône-Neubourg, l'installation des gilets jaunes et quatre arbres ont été brûlés la nuit dernière en leur absence. Les gilets jaunes présents ce matin ne comptent pas arrêter le mouvement. À Vernon, les gilets jaunes ont également installé un campement au niveau du rond-point de la Heunière qui donne accès à l'A13 et filtre toujours la circulation. Des gilets jaunes mobilisés également aux Andelys et à Bourterouls d'où l'accès à l'A13 a été bloqué. Également à Bernay et Nonancourt. Les gilets jaunes du rond-point de Caer à Normanville ont reçu mercredi la visite d'un huissier avec une ordonnance du tribunal de grande instance les sommant de quitter les lieux. Mais la mobilisation se poursuit. Mobilisation également à Lisieux et Honfleur. Et puis, autre mobilisation prévue demain, un reportage d'Éric Blot. Contre les violences faites aux femmes, le collectif citoyen hashtag nous toutes, initié par des militantes féministes, appelle à des marches ce samedi dans une cinquantaine de villes en France, dont Rouen. L'an passé, en Seine-Maritime, d'ailleurs, les services de police et de gendarmerie ont enregistré dans le cadre des violences intrafamiliales faites aux femmes 966 faits de violence, dont un homicide et une tentative d'homicide, ainsi que 329 agressions à caractère sexuel. Écoutez une des organisatrices de la marche rouennaise, Mélanie. Qui me tient personnellement à cœur. Ce qu'on veut montrer, c'est surtout les violences sexistes et sexuelles qui peuvent avoir lieu au travail, dans la rue, que 250 femmes à peu près sont victimes de viols ou de tentatives de viols par jour en France. Lors de cette marche depuis la place des Emmurés à Rouen, les manifestants vont rappeler ces chiffres et lire des textes. Les hashtags Balance ton porc et MeToo avaient déjà amorcé le mouvement de libération de la parole. On a pu parler, mais c'est pas pour autant que des choses ont été faites au niveau des lois, de la justice, tout ça. Enfin, on essaye de faire passer le message, mais on se dit bien que les choses n'ont pas changé comme ça, quoi. Le quatrième protocole départemental de prévention de lutte contre les violences faites aux femmes 2019-2021 en Seine-Maritime a été signé aujourd'hui avec pour objectif notamment la consolidation des dispositifs d'accueil, l'accompagnement et la prise en charge globale des femmes victimes sur l'ensemble du territoire. Toujours sur la même thématique lancée en Allemagne par le constructeur français Alstom, les premiers trains à hydrogène devraient rouler en 2022 sur les voies ferrées françaises, selon le scénario présenté hier par le député Benoît Simian, un cadre de la SNCF devenu député La République En Marche, chargé par le gouvernement de réfléchir aux moyens de se débarrasser des locomotives diesel, soit 20% des déplacements. Dans son rapport pour le long terme, le député conseille de se concentrer sur l'hydrogène, qui émet seulement vapeur d'eau et eau condensée. La Normandie a proposé la ligne Fécamp-Le Havre pour des tests. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain matin, de la grisaille est attendue sur le Pays d'Auge, le département de l'Eure, la Seine-Maritime, également sur l'Oise. L'après-midi, s'ajouteront des averses sur l'ensemble du territoire. Le mercure indiquera au meilleur de la journée 7 degrés à Bernay, Rugle, Gournay, Aumale, 8 pour Beauvais, Rouen, Évreux, Vernon, Gisors, Cormeilles et Pont-Audemer. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne autour de 5-6 degrés à l'heure où je vous parle. Il est déjà 18h35. On attaque cette nouvelle demi-heure avec un David Guetta et Say My Name. Behavior. Ooh, oh, oh. Say my name, say my name.

qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Bon week-end les Normands et les Picards. Alors désormais, vous choisissez le titre de fin d'heure de l'After School. Et là, on va s'écouter un son sorti en 1997. Si je compte bien, ça fait donc 21 ans qu'il est sorti ce titre. Je bloque total, 21 ans, un truc de ouf. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 23 novembre. Ce soir sur TF1, The Void Kids, hein, ce sont les battles avec les petits enfants qui viennent chanter devant les jurés pour tenter de passer à l'étape suivante. Hein. Mais comme ce sont des petits enfants, les jurés sont gentils. Je parle de Jennifer, de Soprano, de Patrick Fiori ou encore d'Amel Bent. France 2, une série policière française, comme chaque semaine, l'art du crime. Alors vous avez deux personnes que tout oppose. Hein. Un flic plutôt bourru et déjanté et une spécialiste de l'art. Et ils enquêtent sur le vol d'un tableau. France 3, un documentaire sur Muriel Robin, Tagala, Swan Swan. Bon, on la connaît maintenant comédienne hein, dans de nombreux téléfilms où elle est géniale. Et de l'autre, la scène, bien sûr. Et dans ce programme, elle part à la rencontre de ses mentors. Le comédien Michel Bouquet, il y a également ses enfants de cœur, Vincent de Dienne, entre autres, et l'indétrônable Michel Drucker. Canal du foot Lyon-Saint-Etienne. Alors, c'est un petit peu le même principe niveau neurone qu'un PSG-Marseille. Hein. C'est-à-dire que tu as plus de flics dans les tribunes que de supporters. Arte, Jonas, un film dramatique, l'histoire d'un jeune homme complètement détruit par la vie qu'il a vécue. C'est un petit peu chaud patate hein, pour passer un bon moment le soir pour te détendre, sauf si tu aimes ce genre de film vraiment glauque. Je ne juge pas. M6 Bulle toute la soirée avec des inédits pour débuter la soirée et des rediffs en seconde partie. Le meilleur de la TNT, C8, Jean-Luc Lemoyne est de retour avec TPMP refait la semaine et c'est l'une des meilleures émissions de la chaîne. Hein. D'une, parce qu'il y a Lemoyne et qu'il est bourré de talent et de deux, parce qu'il y a les 4 tiers qui sont à mourir de rire. 22h40, balance ton poste avec Hanouna et toutes ses grandes gueules et j'avoue que l'émission est vraiment super bien fichue. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant sur Espace, écoutez un titre que vous n'entendrez jamais sur une autre radio. Jamais sur une autre radio. Seul Ludo est assez fou pour vous le diffuser. L'Open Show dans quelques instants. Je vous embrasse, passez un bon week-end. Voici un énorme standard sorti en 1997. À quoi ? Barbie Girl, encore dimanche 11h. Ciao. darling, we're just getting started. Oh, I love you, Ken. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. C'est le vendredi 23 novembre, vous êtes dans l'Open Show, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le raid est en cours d'intervention sur un parking à Angers car un homme vêtu d'un gilet jaune prétend détenir des explosifs. Il aurait une grenade à la main et un sac à ses pieds dont il affirme qu'il est plein d'explosifs. L'homme est connu des services de police pour trafic de stupéfiants et réclame qu'une délégation de gilets jaunes soit reçue à l'Élysée. Justement, après plusieurs jours de blocage et d'action à travers la France, les participants au mouvement des gilets jaunes ont rendez-vous ce week-end pour tenter de marquer les esprits. Près de 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain à Paris pour sécuriser notamment l'Élysée, la Concorde, les ministères, l'Assemblée et le Sénat. Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour une agression sexuelle sur une collégienne de 14 ans en 2013. Le tribunal a également condamné l'artiste à une amende de 20 000 euros. Lors de l'audience début novembre, le procureur avait requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis. L'artiste qui était présent à l'énoncé du jugement a toujours nié toute agression sexuelle. Près de 7 millions de ménages sont considérés comme étant en situation de précarité énergétique, a indiqué aujourd'hui l'Observatoire national de la précarité énergétique, et ce malgré la mise en place en 2018 d'un chèque énergie adressé à 3 600 000 ménages. Un ménage est considéré comme étant en situation de précarité énergétique dès lors qu'il consacre plus de 8% de ses revenus à ses dépenses en énergie dans son logement ou qu'il déclare une sensation de froid liée à un équipement de chauffage défaillant ou une mauvaise isolation. Le risque d'avalanche sera élevé demain dans les Alpes où de fortes chutes de neige sont prévues jusqu'à demain matin. Selon Météo France, qui met en garde les skieurs, la perturbation qui touche les Alpes apportera d'ici demain matin 30 à 50 cm de neige au-dessus d'environ 2000 mètres sur les massifs des Alpes du Sud et de l'Isère, moins sur ceux de Savoie, prévoit l'Institut météorologique. La formation de plaques sera favorisée par un vent de sud assez fort. Enfin, la France est mal embarquée dans sa quête d'une seconde Coupe Davis consécutive. Cet après-midi, la Croatie a remporté le premier point de la finale de l'épreuve et de la confrontation entre les deux pays suite au facile succès de Borna Koric au détriment de Jérémy Chardy. Le clan français compte désormais sur Joe Wilfried Tsonga, opposé à Marin Cilic. Hello, ça y est, après un mois d'absence, l'Open Show est de retour. Et ce soir, on fête l'arrivée de l'hiver. Soyez les bienvenus dans un Open Show spécial hiver avec notre invité, Mister Pascal. Trois sous le drap de Ragdalam. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans l'Open Show numéro 3. Soyez les bienvenus, on est ravis de vous accueillir. Ah, quel bonheur de vous retrouver tous les mois avec cette belle émission. Alors je vais commencer comme d'habitude par vous présenter l'équipe qui nous accompagne pour cette Open Show. Au-delà de ma propre personne, nous avons celui qui fait rêver beaucoup de gens derrière le poste de radio. Il court partout tel un petit Mario Kart, mais on pourrait même croire parfois que Cédric est amoureux de lui, vu qu'il l'appelle toutes les deux minutes pour tout et rien. Et comme il nous écoute, je le salue. C'est l'homme à tout faire, Mickaël, mesdames et messieurs. Hello tout le monde. Ça je peux dire que j'ai chaud là. J'ai mis la tenue complète pour sortir au ski. Hein. Ah oui, carrément. Boot, le gros gilet, enfin bref, tricoté par ma grand-mère. Le bonnet aussi, et les gants. Et les gants. Et oui, et l'écharpe. Et l'écharpe et le baume à lèvres, forcément. Évidemment. Ensuite, c'est celui qui s'impose de plus en plus sur l'antenne d'Espace du Pays de Bray. C'est un homme très sportif au quotidien, avec des exercices légèrement différents chaque jour. Mais attention, il les fait toujours en duo. Il comprendra là où je veux en venir. Si Louis, ça va. C'est vraiment magnifique comme introduction. Ah, oui. Il fallait de la vanne. Il fallait l'introduire. Ça y est. Ça va très très bien, être si long malgré tout ça. Mais ça va nickel. Ça ira moins bien dans quelques minutes. On verra ça. Et nous avons ce soir notre invité Pascal Vidaillac qui vient nous présenter son album Ragdalam Circus. Bonsoir Pascal. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va très bien, merci. L'ambiance est chaude ici, c'est bien. Ah ben oui, tu vas voir, c'est torride ici jusqu'à 21h. On va se sauter dessus. Bon, moi, je retiens le tricot. Peut-être. C'est ça. Pascal, merci d'être avec nous ce soir. Et on parlera avec toi d'ici quelques minutes de ton album Ragdalam Circus. Au programme de cet Open Show numéro 3, le jeu d'équipe, évidemment, avec des chamallows. Tout ce que je peux dire pour l'instant. Nous aurons aussi les actus de Louis avec les recettes de saison. Ah oui, quelques petites recettes fort sympathiques pour passer un bon repas de Noël. C'est ça, on voit ça dans quelques minutes. Également, le grand défi avec cette fois-ci quelqu'un qui va prendre et qui n'a pas encore pris dans ce studio. Et on t'a réservé un beau truc, Mickaël. Et puis, J'espère bien. J'espère aussi. On fêtera aussi l'anniversaire de Louis. Et oui, c'était au début du mois, donc on le fêtera aussi dans cette émission. Et évidemment, comme d'habitude, à la fin, les pires covers les plus catastrophiques trouvés sur YouTube. Passez une bonne soirée. On commence tranquillement en musique avec Sound of Legend. All That Circuit Down. Ensuite, c'est la pub. Mon anglais reste toujours approximatif, hein, vous aurez remarqué. On l'a remarqué. La pub après Shawn Mendes et on se retrouve juste après. Bonne soirée sur Espace. Sound of Legend, All That Sucker Done sur Espace en Normandie, en Picardie. Bonne soirée, vous êtes dans l'Open Show numéro 3. On marque une pause avec la pub et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Dimanche 25 novembre, à un mois de Noël, la ville de Bon Secours crée l'événement avec le marché de Noël. Idées cadeaux, artisanat, déco, chocolat, ateliers créatifs, magiciens, pesée du panier et buvette sur place. Venez préparer vos fêtes de fin d'année à Bon Secours au casino de 10h à 18h dimanche 25 novembre. Entrée libre. Info www.mairie-bonsecours.fr. Les jeunes et les seniors sont sur la même longueur d'onde. Rendez-vous mercredi 5 décembre 2018 à la Ludo-Médiathèque communautaire du Vexin Normand pour un atelier radio avec Cédric, l'animateur d'espace. Enfile ton casque et pose-moi tes questions. Venez découvrir les métiers de la radio. Posez vos questions et animez votre première émission. Réservation obligatoire au 02 32 27 91 54. L'atelier radio, c'est à la Ludo-Médiathèque communautaire du Vexin Normand à Étrépagny le 5 décembre 2018. Tout public.

Vous êtes en Normandie, en Picardie, peut-être sur les autoroutes, en ce moment encore bloquées. Bon, ça arrive, donc soyez patients. Merci d'être avec nous dans l'Open Show et on va maintenant continuer avec la rubrique que vous connaissez maintenant, puisqu'on l'a fait tous les mois. C'est le fameux jeu d'équipe qui va voir s'affronter ce mois-ci Louis et Mickaël. Moi, je n'ai rien à faire, ça qui est bien pour c'est une cool. fois. Ouais, pour une fois, parce que la dernière fois, on m'avait quand même envoyé en bas dans les combles. Locaux. Moi, le plus drôle, c'est à la sortie, je trouve, quand même. Ah oui, c'est tu pourrais leur faire ton cri ou est-ce que tu pourrais leur faire ton cri d'Orient je... Non, parce qu'il y a un mot dedans que le patron ne veut plus que je dise à l'antenne et je vais essayer de ne pas le dire ce soir. mais oui, c'était assez drôle. Et assez flippant pour moi au final. Ça va, après l'autre fois, t'as pas bu la mixture aussi. Tu t'en es sorti, c'est Mickaël. Non, ça hein. c'était Mickaël. J'ai pas été malade. La belle mixture, c'était quoi? Banane, chocolat râpé, je sais plus. Confiture de fraises et moutarde. Ouais, un truc dans le genre, un truc vraiment hardcore. Ouais. Bien hardcore. Bref, notre jeu d'équipe de ce mois-ci, ça s'appelle Les Chamallows. Alors, principe. On n'a pas de jingle simple. Les chamallows. On aurait pu, mais on n'a pas eu le temps de l'envoyer en production. Mais... Ouais, moi je trouve qu'il y a de la mauvaise volonté par-ci par-là quand même. Hein. Mauvaise volonté, peut-être. Alors. Donc, le jeu d'équipe, c'est tout simple. Mickaël, Louis, vous allez chacun mettre 4 petits chamallows dans votre bouche et vous allez devoir faire deviner des mots. Ok. Alors, qui commence? Qui commence? Honneur au plus jeune. Ah bah oui, allez, attends, vas-y, laisse-moi Louis. Mettre mes chamallows déjà. Comme ça c'est difficile, c'est facile. On devait avoir un auditeur mais il n'a pas répondu, donc on ne l'aura pas, tant pis. Alors. Il est en train de s'insérer les chamallows dans la bouche. Oh. Alors, mon cher Louis, je te laisse dire ton premier mot à faire deviner à Mickaël. Vas-y. Et en plus c'est son idée, hein, le jeu. T'assumes maintenant. Allez, vas-y. Random. Alors, Mickaël, qu'a-t-il dit? J'ai cru comprendre random ou... Non. Deuxième essai, tu n'as que 2 chances. Rock de l'âme. Et pas du tout. C'était compréhensible. Hein. Non, j'ai pas compris. Je t'as pas compris non. C'était Ragdalam. Tant pis. Ah. Un point en même pour... temps, c'est quoi ce mot aussi là ah, c'est le nom de l'album de Allez. Pascal. Ah, oui. Réfléchis un petit peu. Non, il est à côté de toi en plus. Ah, ça y est, il est gêné. Ouais. Ah, mal à l'aise. Un prêt. Point pour Louis. Mickaël, à toi. Je suis prêt. Attention, c'est parti. Vas-y. C'est énorme. Anticonstitutionnellement. Il faut qu'il leur pire. C'est énorme. Vas-y. T'as compris ou pas? Dis. Anticonstitutionnellement. Voilà, allez, un point pour... Avec les chamallows, c'était facile ou quoi? Deux points pour Louis. Pour l'instant, Mickaël est à 0. Hein. Louis, c'est à toi. Prochain mot. Vas-y. Rouen. Facile. Ah, facile. Rouen. Un point pour Mickaël. On peut l'applaudir. Hein. Mickaël, hop là, voilà. Allez, je remets 2 chamallows. Vas-y. Un à mon boxeur, avis, un Louis boxeur. Change les chamallows parce que je suis en train de faire parce que là, voilà, c'est... Voilà. Donc, Mickaël, à toi. C'est parti. Millefeuille. Millefeuille. Oui, ouais. 3 points pour non, Louis. Ensuite, Louis, c'est à toi. Je te laisse insérer les petits chamallows. Le gage après va être très très drôle, c'est ça qui est bien. Allez, vas-y, prochain. Aujourd'hui. Facile. Oui. Aujourd'hui. Oui. 2 points pour Mickaël. Alors, récap des points, nous sommes à 3-2. Non, en fait, pour Louis. Je suis arrivé à 6 chamallows dans la bouche. 6 chamallows dans la bouche. Mais vas-y, continue, mon petit Mickaël. Allez, c'est bon. Bouilloire. Bouilloire. Ouais, facile. 4 points pour Louis. Louis, c'est à toi. Serrurerie. Oula. Ah, il a du mal. T'as du mal, tu trouves pas? Serrurerie. Non. Vas-y, répète. Serrurerie. Chardonnerie. Non, 0. Allez. Louis est en train de gagner. Nous sommes à 5-2, Mickaël. Tu vas prendre cher. Ensuite, c'est à toi, Mickaël. Vas-y. Alors. Il a du mal, il y a un petit bond d'entendre. Vas-y. Coquelicot. Ah. Allez, 6 points pour Louis, c'est parti. Et le prochain, Louis, c'est à toi. Il nous reste 1 minute. T'as deviné ou pas, Mickaël? Pas du tout. Allez, encore une chance. Hibou. Hibou. Eh oui, allez, Mickaël, tu sauves l'honneur. Nous sommes donc... Ah oui, non, il t'en reste un, Mickaël. Oui, j'allais oublier, il t'en mais reste je un. Je pense qu'il a gagné, là. Oui, mais vas-y, pour l'honneur. Pour l'honneur. Comme ça, ta femme sera contente. Non. Maître Mignol. T'as pas compris? Refais-le. Matrimonial. Alors là, j'avoue que... Matrimonial. Tu sais ce que c'est, au moins? J'ai compris matrimonial, moi j'ai fait... Matrimonial. Tu sais ce que c'est, matrimonial? On va voir s'il a de la culture. Ce mec qui a pas son bac qui me dit ça, c'est quand même grand. Arrête les vannes, ça va mal se finir. Non, il a passé le bac avec moi. C'est ça, oui. Absolument. Il a joué petit bac. À côté de Rouen. Récap des points, nous sommes à 6 points pour Louis, 4 points pour Mickaël. Mickaël, tu as donc perdu ton gage. Tu veux que je te le dise, ton gage? Oui. Eh bien, la prochaine nappe, tu gardes les chamallows dans la bouche. Ah, oh, super. On continue en musique avec quelqu'un, ça ira mieux dans un instant. Pascal, à tout de suite. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu, suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu, et ça ira mieux. N'écoute pas les gens, marche droit devant. Te retourne pas, y'a rien là-bas. L'avenir est à toi, continue comme ça. Encore une dernière fois, vas-y, écoute-moi. Ça ira mieux, si t'es tombé si bas, c'est pour aller plus loin. Accroche-toi à tes rêves, fais confiance au destin. T'inquiète, à deux, on ira très loin, loin. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Et ça ira mieux. La roue va tourner, t'en fais pas petit, ça va s'arranger. Suffit d'attendre encore un peu, suffit d'y croire, la vie n'est qu'un jeu. Et ça ira mieux, faut te relever. Y'a des hauts, des bas, t'es pas le seul comme ça. Suffit d'attendre encore un peu. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit. Les écoute, papa, papa, papa. Tout ira mieux comme ça. Les écoute, papa, papa, papa. Avance droit, droit, droit, et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Ouais. Et ça ira mieux. Yeah, yeah. Oh, yeah. Et ça ira mieux. Plus de tubes. Plus de son, plus de tubes. Espace. Espace. Oh, aux endroits de mon stress, la maison, le boulot. Oh, oh, oh, oh. Bada, bada, badoua. L'horizon. Ah, c'est bien. Horizon, premier extrait de l'album Ragdalam Circus de Pascal Vidaillac au chant et au piano, Pascal Dessin. Et on n'a qu'un seul Pascal aujourd'hui avec nous ce soir, mais c'est le chanteur Pascal Vidaillac. Bonsoir Pascal. Bonsoir Dorian, bonsoir tout le monde. Ça va ? Ça va, merci. On est ravis de t'accueillir donc dans cet Open Show numéro 3. Tu vas nous présenter cet album qui est sorti, je crois, en juillet dernier. C'est ça. Et ça retrace donc ton spectacle, Ragdalam Circus. C'est ça. C'est en fait à partir de cet album qu'on a construit un spectacle qui porte le même nom. Mais il y a quelques années, il y a deux ans, disons, 18 mois, deux ans, on a commencé à écrire. à partir de textes que moi j'avais fait, on a commencé à écrire un spectacle, à ordonner un petit peu des idées et à composer la musique qui va avec. Très bien. Et c'est quoi qui a commencé en premier ? C'est le spectacle ou c'est le disque ? C'est d'abord quelques chansons. Ouais. Et ça a orienté un peu l'idée du spectacle après. D'accord. Et du coup, on a écrit et composé d'autres chansons pour compléter. Et là, il y a 10 morceaux sur cet album qui sont qui représentent la moitié en fait des chansons qu'il y a dans le spectacle. Très bien. Je vais laisser Louis poser la prochaine question. Alors la première question qui peut quand même être une des plus intéressantes, c'est depuis combien de temps vous faites de la musique tous les deux ? Parce que tu chantes, lui fait du piano. Ouais, alors Pascal Dessin, qui est donc pianiste de son métier, de son état, lui il fait du piano depuis qu'il a des doigts, hein, en gros. Ouais, c'est la sortie, il avait déjà dans les doigts. Il a commencé très tôt l'apprentissage de la musique et il a été un peu forcé par ses parents et c'est une excellente chose parce qu'aujourd'hui c'est un vrai virtuose. Il a une formation classique, il a fait le conservatoire de Cergy où il travaille aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Voilà, où il est pianiste, accompagnateur de danse, il compose pour les ballets de Cergy. Et moi je l'ai rencontré il y a 15 ans. Voilà, il y a 15 ans qu'on. Enfin, en avril prochain, ça fera 15 ans qu'on tourne tous les deux. Ah oui, une belle amitié tout de même. Et du coup, comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, on s'est rencontrés par des amis communs. Je chantais déjà. On avait un groupe de jazz et on a eu une désertion de notre pianiste. Et des amis communs avec qui on déjeunait nous ont dit bah, il y a un petit couple jeune et mignon qui s'est installé à côté de chez nous. Lui est pianiste, ils ont fait un apéro pour accueillir un peu les voisins, se présenter. Et c'est comme ça, ils nous ont mis en contact un dimanche après-midi. Le dimanche soir, on buvait un coup. Et trois semaines après, on faisait notre premier concert au théâtre d'Evreux. Ah oui, quand même, en fait, ouais. C'est une rencontre complètement hasardeuse. Dorian, je crois que tu as une question à poser. Absolument, parce que, bon, on va continuer l'interview dans quelques minutes. J'ai un extrait, là, que je vais vous faire écouter, peut-être pas en entier, mais juste quelques secondes, parce que j'aimerais savoir comment tu fais pour être aussi rapide, parce que si nous trois, on essayait, je pense qu'on n'y arriverait pas. C'est celui-là. Je peux bien vous le dire, mesdames, que cette chanson de Fakir, c'est du plus grand qui vous donne, c'est une chanson qui sans mentir. Je peux bien vous le dire, mesdames. Voilà, je vais l'arrêter là. Mais là, tu chantes assez rapidement dans cet extrait-là. Comment tu fais concrètement ? On répète, et ça finit par être presque un réflexe. Et encore dans le spectacle, on va plus vite. C'est-à-dire que le thème là, que vous entendez, c'est la chanson titre d'ailleurs. Ouais, c'est Ragdalam, absolument. C'est Ragdalam. Et dans le spectacle, on a des moments où on fait des pauses et puis des moments où on accélère. On essaie de faire participer le public avec nous et on trébuche bien. C'est chouette en fait. Très bien. Bien, on en reparle dans quelques instants. Tu pourrais nous le faire un bout là ou pas du tout ? Ah, ça non, va tu n'y arriverais pas. Le piège méchant. Mais oui, je suis méchant. Et non, mon équipe aussi. Hein. Avec tu des as d'ailleurs dans des... la bouche. C'est ça. Tu as d'ailleurs des CD à nous offrir. N'hésitez pas à nous appeler 0 950 35 50 50 et on vous offre l'album de Pascal Ragdalam Circus. Pour l'instant, c'est Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule sur Espace. Passez une très bonne soirée. Soyez prudents sur les routes. Vous êtes dans l'Open Show en Normandie et en Picardie du côté de Gisors. Un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. C'était dans ses années un peu folles où les papas n'étaient plus à la main. Où elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a choisi de faire en scientifique pour ses jeunes.

And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. You left your mark, you left your mark, reminding me to forget. You left your mark, reminding me, you left your mark. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Écoutez Espace du côté de Forges-les-Eaux, encore de Gournay-en-Bray. Passez une très belle soirée. Alors avant de repartir dans les délires de cette émission, on va retrouver à nouveau Pascal pour parler de son album Ragdalam Circus. Et en parlant de ça, voici un nouvel extrait. Pascal, ça s'appelle Noble Val. Pas quand l'artiste est ventriloque, pas quand le cœur de l'homme est fait du plus beau désir de conquête et le tailleur était. Alors, ce titre-là, je l'ai écouté en entier, il est plutôt pas mal. Ah ben, merci, merci Dorian. Mais oui, de rien, oui. Avec il plaisir. Il est inspiré par un petit village d'où je viens, qui s'appelle Saint-Antonin-Nobleval, et où il y a une super baraque avec au-dessus une maison médiévale. C'est un très vieux village où il n'y a que des pierres, que des cailloux, que des pavés, quelques sources, et l'été, il y a des jolies filles. T'aimes bien ça, hein? Ouais. Surtout qu'il y a un peu de vent dans les ruelles. Enfin, c'est sympa. Et il y a justement la maison de l'amour dans ce village. La maison de l'amour. Ouais, une sculpture. Alors, c'est un truc tout à fait propre. Hein. C'est rien de graveleux, mais deux belles sculptures, deux visages d'adolescents qui s'embrassent. très qui bien. Date du XIIIe siècle. Et c'est merveilleux, c'est inspirant. Donc en fait, tu t'es inspiré des endroits que tu as visités ou dans lesquels tu as vécu pour cet album, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. En tout cas, pour cette chanson-là. Et puis, c'est l'occasion de, effectivement, de parler d'amour. C'est un peu quand même le thème de tout le spectacle. Ouais, les amours un peu contrariés, un peu déçus, un peu chaleureuses, un peu chaudes même, des fois. On va parler des dates dans la région dans quelques minutes. Mais pour l'instant, Louis, question. Alors, Dorian qui se fait... Il embarque mon casque. Il enroule son câble un peu partout, le gars, et après il se plaint, j'ai envie de vous dire. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est quand on voit des musiques comme ça, un album, un spectacle, est-ce que du coup c'est ton métier principal? Ou est-ce que c'est juste une passion à côté, un passe-temps? C'était une passion, c'est toujours, évidemment, toujours une passion, mais c'est une passion qui devient de plus en plus... Enfin, qui prend de plus en plus de place, quasiment tous les week-ends. C'est pas encore un métier au sens où on n'a pas fait encore le choix d'en vivre, je veux dire financièrement, mais les dates s'accumulent. Et mon métier principal, c'est de travailler à Louviers, de travailler pour la mairie. Voilà, sur un secteur, sur l'action éducative. Et ça, c'est ma passion aussi. Alors, c'est difficile de faire des choix. Ouais, difficile de choisir lequel. C'est ça. Alors, il y en a un qui est passionnant parce que ça sert, disons, à accompagner des gamins, des jeunes, des familles. Il y a un autre qui est passionnant parce que ça sert à divertir. Et j'ai pas encore fait le choix, quoi. Du coup, je fais les deux. Ouais, c'est un choix compliqué. Puis, quand on peut cumuler les deux, c'est bien aussi. C'est ça. Alors, ensuite, l'album, il est sorti en juillet dernier, si je ne me trompe pas. Oui. Et du coup, combien d'exemplaires ont été vendus jusqu'à aujourd'hui, ou du moins distribués On en a édité 3000, on en a vendu, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte, mais dans mes cartons, il en reste un deux tiers, donc on a dû, je ne sais pas, en vendre 800 ou 900. Quoi. C'est quand même pas mal. Oui. Et du coup, on peut se les procurer où, ces albums? Alors, justement, c'est à la sortie de nos spectacles, on n'a pas de circuit de distribution, on n'est pas produit, ouais. On est auto-produit. Donc c'est plutôt à la sortie des spectacles ou alors en nous contactant sur... On a une page Facebook, un site. On s'appelle Les Deux se balancent, en fait. C'est ça. Avec le chiffre 2, Les Deux se balancent. Avec ENET, hein, Dorian, surtout. Il ne faut pas oublier oui. ENET, hein, parce qu'on conjugue à la troisième personne du pluriel. Ne hein. T'en fais pas, je sais faire. On se pose les questions, des fois, quand même. Hein. Oui. Et donc, voilà, sur notre page Facebook, Les Deux se balancent, ou le site... Et effectivement, du coup, là, on nous contacte on envoie. Très bien. Et d'ailleurs, tu nous as ramené des CD qu'on peut faire gagner aux auditeurs ce soir. Oui. Et voilà, si vous voulez en remporter, en avoir chez vous et écouter l'album en entier, laissez-nous un message 0 950 35 50 50 et on vous envoie ça, je ne promets rien, mais la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est David Leroy pour la Proc Télé de ce vendredi soir. Oui, Mickaël? Non, c'est pour envoyer le programme télé. Ah, très bien, oui, parce qu'on est un peu en retard, voilà, on se dépêche. Voici David, et on se retrouve juste après. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 23 novembre. Ce soir sur TF1, The Void Kids, hein, ce sont les battles avec les petits enfants qui viennent chanter devant les jurés pour tenter de passer à l'étape suivante. Hein. Mais comme ce sont des petits enfants, les jurés sont gentils. Je parle de Jennifer, de Soprano, de Patrick Fiori ou encore d'Amel Bent. France 2, une série policière française, comme chaque semaine, l'art du crime. Alors vous avez deux personnes que tout oppose. Hein. Un flic plutôt bourru et déjanté et une spécialiste de l'art. Et ils enquêtent sur le vol d'un tableau. France 3, un documentaire sur Muriel Robin, Tagala, Soin de Soin. Bon, on la connaît maintenant comédienne hein, dans de nombreux téléfilms où elle est géniale. Et de l'autre, la scène, bien sûr. Et dans ce programme, elle part à la rencontre de ses mentors, le comédien Michel Bouquet. Il y a également ses enfants de cœur, Vincent De Dienne, entre autres, et l'indétrônable Michel Drucker. Canal, du foot, Lyon, Saint-Etienne. Alors, c'est un petit peu le même principe niveau neurone qu'un PSG Marseille. Hein. C'est-à-dire que tu as plus de flics dans les tribunes que de supporters. Arte, Jonas, un film dramatique, l'histoire d'un jeune homme complètement détruit par la vie qu'il a vécue. C'est un petit peu chaud patate hein, pour passer un bon moment le soir pour te détendre, sauf si tu aimes ce genre de film vraiment glauque. Je ne juge pas. M6 bulle toute la soirée avec des inédits pour débuter la soirée et des rediffs en seconde partie. Le meilleur de la TNT, C8, Jean-Luc Lemoyne est de retour avec TPMP refait la semaine et c'est l'une des meilleures émissions de la chaîne. Hein. D'une, parce qu'il y a Lemoyne et qu'il est bourré de talent, et de deux, parce qu'il y a les 4 tiers qui sont à mourir de rire. dire. 22h40, balance ton poste avec Hanouna et toutes ses grandes gueules. Et j'avoue que l'émission est vraiment super bien fichue. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure. Et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Merci beaucoup David, on l'embrasse très fort puisqu'il était avec nous sur l'émission d'Halloween au mois d'octobre. Et j'imagine qu'il doit nous écouter ce soir. Ah bah c'est sûr, et il nous envie. Et oui, il est jaloux le grand David. Alors maintenant, Louis, c'est à toi avec tes actus. Et tu vas nous parler des plats normands qu'on peut faire en cette saison de début d'hiver, j'ai envie de dire. C'est ça. Je vais me changer en cuistot, mon ami. C'est ça. Donc je vous propose, parce qu'on va faire un entrée plat dessert quand même, en tout bien tout honneur. Mm-hmm. On propose une petite entrée Noël qui est la terrine de foie gras normande. Donc elles sont composées de sucre en poudre, de piment d'Espelette, de foie gras, logique en même temps, du sel, normal, des pommes golden et des raisins blonds. Donc c'est un plat qui fonctionne plutôt bien en général. Et à savoir que pour préparer ce plat, vous aurez besoin d'un plat gratin, un ramequin, une petite poêle et quelques terrines. C'est nécessaire et c'est mieux pour la présentation tout de même. Très bien. Vous avez aussi comme plat principal dans le menu une oie de Noël au marron et aux pommes. Ça, c'est appétissant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est appétissant. Et petite information, en Normandie, depuis le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque récente, chaque Noël, eh ben, c'est le plat qui régnait en maître aux tables de réveillon. Genre, c'est le plat ultime, tu vois, genre le gros trip. C'est décidé, je ferai ça cette année. Moi, je connais plutôt le jeu de l'oie, mais... tu peux faire le jeu de l'oie en mangeant une oie, ça se fait aussi. Eh ben, si tu veux te le préparer, tu auras besoin du coup d'une oie fermière d'environ 3 kilos. Pour 8 personnes environ, on prévoit large, quand même un bon repas. Ah, c'est quand même beau, oui. De pommes rainettes, des marrons, du calvados, évidemment, du sucre en poudre. Avec poudre de cannelle, de beurre, du sel et poivre. Après, ça va comme c'est cuit. Normalement, il n'y a pas non plus trop de problème. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas en mettre trop non plus, ça détruit le goût. Et ensuite, un très très bon dessert. Et ça, c'est Mickaël qui me l'a conseillé, qui nous m'a fait un peu changer le truc. Parce que laisse-moi deviner, ça vient pas de Ponton de Mer. Mickaël aime tellement Ponton de Mer de toute façon que. Bah oui. Non, on y était cette semaine pour le cross UNSS. UNSS, hein. Voilà, c'est ça. On l'a dit en même temps. Quelle belle synchronisation. Ouais. C'est beau l'amour. C'est beau. On s'aime beaucoup. Et donc c'est une pâtisserie, la Mirliton de Ponton de Mer, et elle a le été mirliton, créée. Ouais. Le Mirliton, tu vois, tu me corriges même, c'est beau quand même. Ben oui. Et oui, ce que j'ai fait pâtisserie, donc tout de suite voilà. Et c'est donc été créé en hommage à sa ville natale, du coup, par Guillaume Tirel. Et Guillaume Tirel, tu sais quoi ? C'était le cuisinier des rois de France Charles V et Charles VI. Quand même un gros mec dans le milieu, quoi. Le gars dans le milieu, il posait un petit peu quand même dans tu la cuisine. Tu sais ce qui me manque là, c'est une musique genre secret d'histoire. C'est ça, Stéphane Bern, c'est ça. J'aurais dû mettre ça. Et donc du coup, c'est un plat constitué d'une pâte à cigarette roulée, pas celle qu'on fume, hein, je vous rassure, oui. Et garni d'une mousse pralinée, et elle est fermée aux extrémités par du chocolat noir. Ça c'est bon. Appétissant. Donc vous avez deux choses à composer. En premier lieu, la pâte quand même, c'est mieux, donc farine, sucre glace, beurre, œuf, le truc basique. Et ensuite, pour la pâte à cigarette, du coup, ça c'était pour la pâte, c'est pour la mousse que vous mettez à l'intérieur. Vous avez de la farine, du sucre, du lait, du beurre pommade, des pralinés et des œufs, évidemment. Très bien. Et bien le merci chocolat pour faire les extrémités, quand même. Aussi. Merci beaucoup. De quoi bien préparer déjà en avance son repas de Noël. L'eau à la bouche. Hein. Ah, je vois ça, là. Je prépare ça après. Ça y est, Mickaël, tu y as fait son repas de Noël. Il a décidé pour le 24. Ouais, c'est ouais, bon. Mickaël, t'as pas un événement dans le département de l'Eure, je crois, à nous annoncer là oui, maintenant. Oui, alors vous avez jusqu'à demain, justement, le département de l'Eure vous propose 14-18, n'oublions jamais, exposition, concert, conférence au niveau des à l'hôtel du département pardon, et aux archives départementales et Giverny Musée des Impressionnismes heureenligne.fr si vous désirez tout savoir sur le programme. Très bien, Seine-Maritime tout à l'heure maintenant. Tout à l'heure, tout à l'heure. Très bien, il nous fait patienter pour l'instant. Un peu de musique avec François Fellman, c'est Joue pas et on se retrouve juste après avec le premier auditeur qui nous a appelé ce soir pour parler des produits de saison qu'il utilise en ce moment. A tout de suite, bonne soirée. Il faut partir. Ouh. Où le soleil sera. Tu peux me faire sourire, éclater de rire, rêver dans tes bras. Mais je veux pas. Tu vas, passer, se marier.